Moi, mes rêves, je les ai tous réalisés. PDG à 25 ans, multimillionnaire, marié à une femme belle et intelligente, de beaux enfants diplômés des plus grandes écoles. Et puis un jour, j'ai réalisé que j'avais tout, que la vie m'avait comblé. Et maintenant, ben je m'emmerde. Attention, pour éviter l'ennui, il est déconseillé de réaliser ses rêves. En remettant vos désirs au lendemain, vous continuez à courir après. C'était un message de la prévention psychologique. Ça va pas la tête ?